Au sport. Le 7 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simple-Lettre Offord de Saint-François, l'équipe novice C des Sharks du Haut-Saint-François visite Frontalie-Coaticook à 11h à Coaticook. L'équipe Peewee A est à Stanstead pour affronter l'équipe de Magog à 16h. L'équipe Peewee B affronte Thibault GM Sherbrooke à l'Arena Eugène-Lalonde à 15h.